C'est la folie, au début on ne pense qu'à aujourd'hui. Au début on est loin de s'imaginer ennemi. Ton téléphone sonne, tu réponds pas. Je suis pas comme ça, donc je demande pas qui c'est. Peur de personne, confiance en moi. Mais j'aurais dû le voir avant pour être vite. Je ne savais pas que ton cœur et ton corps appartenaient à celui qui t'avait laissé partir. Je ne pensais pas qu'à chaque rapport tu le voyais en espérant le voir revenir. T'es servi de moi, servi de nous, servi de tout ce qui pourrait l'attirer. Nah, je ne peux que t'en vouloir. En vrai, tu te sens blessé. Mais ce que tu m'as fait peut multiplier par mille. T'es sans pitié, tu m'as fait avancer en sachant qu'il n'y aurait pas d'avenir. Je dis pas que tu ne m'aimes pas, tu m'aimes bien, mais tu ne m'aimes pas comme lui. J'ai perdu face à lui. Je ne dis pas que tu m'aimes pas, tu m'aimes bien, mais tu ne m'aimes pas comme lui. J'ai perdu face à lui. J'ai perdu face à lui. Oui, j'ai perdu face à lui. Je suis devant toi mais tu ne vois que lui. Tu regardes toujours derrière jusqu'à prendre ton petit colis. Il sait comment ta voix n'est pas solide. Il sait comment t'enclencher, te pencher dans son lit. Au final je suis le seul, seul à y croire, seul à vouloir quelque chose de nous deux. Au final, je suis le seul, c'était trop tard. Il a le pouvoir de te faire ce qu'il veut. Nah, yeah. J'ai perdu l'envie de faire l'effort. Quand j'ai compris que j'étais pas le premier sur ta liste. J'sais même pas qui de vous deux a tort. Lui ou toi qui est le plus grand égoïste. J'étais servi de moi, servi de nous, servi de tout ce qui pourrait l'attirer. Je ne peux que t'en vouloir. En vrai, tu te sens blessé. Mais ce que tu m'as fait peut multiplier par mille. Le multiplier sans billet. Tu m'as fait avancer en sachant qu'il n'y aurait pas d'avenir. Je dis pas que tu ne m'aimes pas, tu m'aimes bien, mais tu ne m'aimes pas comme lui. J'ai perdu face à lui. Je ne dis pas que tu m'aimes pas, tu m'aimes bien, mais tu ne m'aimes pas comme lui. J'ai perdu face à lui. J'ai perdu face à lui. J'ai perdu face à lui, perdu face à lui, à lui, face à lui, face à lui, face à lui.